Je ne craindrai aucun combat. Tu es mon roi, tu resteras mon roi. Le tout-puissant, le puissant guerrier. Dans les océans sont déchaînés. Je vole au-dessus des grands orages. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Quelle que soit la tempête dans ma vie, tu m'as promis, tu seras avec moi. Avec moi, Seigneur. Même si la barque est couverte des flots de la mer, je n'aurai peur de rien. Car tu es avec moi. Tu es celui qui calme la tempête. Je sais que tu es Dieu. Je sais que tu es Dieu.